الحمد لله الحمد لله رب العالمين لنونج تاديو سينيور ديز اونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اجاتس كينيا اوكين ديفينيتي ا بار ديو tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين اجاتس que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique صلى الله عليه عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour lui au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa alayhi afdalu salati wa azka salam pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Ismahu li fi hadha al-yawm an nusafira fi markabatin ilahiyya. Permettez-moi dans cette journée d'effectuer un voyage dans une navette divine. لنقوم بسفر عبر الزمان والمكان afin d'effectuer un voyage spatio-temporel ونغوص في الماضي et afin de plonger dans le passé لملايير السنين pour faire des milliards d'années لأن مركبتنا مكتوب عليها parce que notre navette porte le nom ou est marqué sur son front ce nom وما أو ce verset coranique هذه الآية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر notre ordre n'est qu'unique et à la vitesse d'un regard. سنترك الأرض بأمراضها nous allons abandonner la terre avec ses maux, ses maladies وظلم أصحابها avec l'injustice de ses habitants وحروبها avec ses guerres partout dans le monde Palestine, Afghanistan, Pakistan, etc. Palestine, Afghanistan, إلى غير ذلك لنشهد حوارا afin d'assister à un dialogue دار بين الله وملائكته qui a eu lieu entre Dieu et ses anges وأترك القرآن يصف لنا هذا الحوار je laisse le Coran nous décrire ce dialogue وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais placer sur terre un successeur ou bien un représentant وأجابت الملائكة les anges ont donné cette réponse قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ils dirent y places-tu celui qui y sème la corruption et y fera couler le sang à profusion alors que nous ne faisons que te sanctifier et te glorifier يكاد المرء لا يصدق لما يسمع هذا الحوار l'individu a tendance à ne pas croire lorsqu'il entend ce dialogue بين الله وبين الملائكة un dialogue entre Dieu et ses anges ومن هي الملائكة حتى يخبرها الله بما يريد فعله et qui sont-ils ces anges jusqu'au point que Dieu les informe de sa volonté de ce qu'il veut faire وهو فعال لما يريد lui qui est réalisateur de tout ce qu'il veut ومن هي الملائكة حتى تقول لله et qui sont-ils donc ces anges pour qu'ils puissent dire à Dieu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء y place-tu celui qui y mettra le désordre et répondra le sang وهو الذي قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد lui qui dit chez moi la parole ne change jamais et je n'opprime nullement les serviteurs فالله رغم أنه هو الخالق Dieu malgré qu'il est le créateur هو الملك il est le roi هو القوي il est le tout puissant يتكلم مع ملائكته malgré tout cela il parle avec ses anges يخبرهم بما يريد فعله il les informe de ce qu'il veut faire dans l'avenir يفتح لهم المجال لسؤاله il leur ouvre le champ large pour l'interroger وكل هذا كرما منه tout cela est une bonté de sa part هذا هو الله c'est une générosité de sa part tel est Allah ربكم votre Seigneur فكيف ينساه المخلوق comment la créature puisse l'oublier بل كيف يعيش المرء بعيدا عن حبه plutôt comment la personne puisse elle vivre loin de son amour. Allahu Rabbi, la uridu siwahu. Huwa hal fil wujudi haqiqatun illahu. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه الوحش مجده الموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونهم جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه والله لم يقم بالحوار مع الملائكة فقط. Dieu n'a pas noué un dialogue uniquement avec les anges. بل حاور آدم عليه السلام. Il a dialogué avec Adam, prière et salut sur lui. حاور الأنبياء عليهم السلام. Il a dialogué avec les prophètes, prière et salut sur eux. حاور حتى إبليس. Il a dialogué même avec Iblis. فعلمنا الحوار مع الأصدقاء. وحتى مع الأعداء. Ainsi, il nous a enseigné le dialogue avec les amis, mais aussi avec les ennemis. وأتساءل هل هناك حوار الآن بين الجمعيات الإسلامية؟ Je m'interroge, y a-t-il actuellement un dialogue entre les associations musulmanes où chacune essaie d'égorger l'autre أو كل واحدة تريد أن تذبح الأخرى؟ هل هناك حوار بين المسلمين بين أفراد الجالية؟ Y a-t-il aujourd'hui un dialogue entre les musulmans, entre les membres de la communauté؟ بل أقول هل هناك حوار في البيت؟ Plutôt je dis y a-t-il un dialogue dans le foyer musulman؟ بين الرجل والمرأة، entre l'homme et la femme، بين الوالد والأولاد، entre le père et les enfants، أم هناك قطيعة؟ Ou bien y a-t-il la coupure entre le mari et la femme et l'épouse, entre les parents et les enfants, et chacun se trouve dans une vallée. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ جَاعِلٌ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais placer sur terre un successeur, Adam وَدُرِّيَتُهُ. Adam et sa descendance. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils dirent, y places-tu celui qui émettra le désordre et répandra le sang alors que nous ne faisons que te proclamer ta sainteté et ta gloire. فالملائكة تعجبت من إرادة الله. Les anges se sont étonnés de la volonté de Dieu. Les anges lui ont posé une question. N'est pas une question d'opposition pour s'opposer à sa volonté. Parce que les anges ne connaissent point la désobéissance. Le verset dit ne désobéissent pas aux ordres de Dieu. وليس حسدا لآدم عليه السلام et non pas par jalousie à notre père Adam, prière et sagesse. فالملائكة لا تعرف الحسد, parce que les anges ne connaissent pas la jalousie. فالملائكة مخلوقات نورانية, les anges sont des créatures de lumière. لا يأكلون, les anges ne mangent pas. لا يشربون, ne boivent pas. لا يتزوجون, ne se marient pas. لا يلدون, n'enfantent pas. ليسوا إناثا ولا ذكورا, ne sont ni mâles ni femelles. لا شهوة لهم, ils n'ont pas le désir charnel. يسبحون الله كما نتنفس نحن, ils glorifient Dieu comme nous respirons. À chaque respiration, eux, ils glorifient Dieu, subhanahu wa ta'ala. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils glorifient Dieu jour et nuit, 7 sur 7, 24 sur 24, sans arrêt ni repos. قالت الملائكة, les anges dirent, كيف تجعل في الأرض أناسا يعصونك يا رب. Comment, ô Seigneur, places-tu sur terre des gens qui vont te désobéir? فقال الله لهم, Dieu leur dit, قال إني أعلم ما لا تعلمون. Il leur dit, je sais ce que vous ne savez point. لو تعلمون ما أعلم أنا الله لما تعجبتم. Dans le cas où vous saviez ce que je sais, moi, Allah, vous ne seriez pas étonnés. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. علم الله الأسماء لآدم، أسماء الأشياء الموجودة، كل الأشياء، قال له هذا اسم كذا وهذه اسمها كذا، ثم عرض الأشياء على الملائكة وقال لهم الآن أنبئوني، قولوا لي أنتم الملائكة أسماء هذه الأشياء التي يعرف آدم، إن كنتم صادقين، إن كان لكم صدق. دائما الإسلام يطلب الدليل، إن كنت صادقا فهات الدليل. Il enseigna à Adam les noms de toutes choses, puis il les exposa aux anges, c'est-à-dire les choses, et leur demanda « Informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques. » علم الله آدم أسماء الأشياء. Dieu a enseigné à Adam les noms de toutes choses. ثم طلب من الملائكة أن تقول له أسماء هذه الأشياء. Par la suite, il demanda aux anges de l'informer des noms de ces choses. فلم تعرف الملائكة. Les anges n'ont pas su. وقالوا سبحانك. هذه ما نعرفوها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent gloire et pureté à toi. Nous n'avons de science ou bien de savoir que ce que tu nous as enseigné, c'est toi le sachant et le sage par excellence. Ça veut dire ils ont dit on ne sait pas. Les noms de ces choses, nous ne savons pas. فالإسلام يعلمنا أن نقول الله أعلم. إذا كنا لا نعرف الجواب. L'islam nous enseigne de dire c'est Dieu seul qui sait dans le cas où on ne sait pas, on ne connaît pas la réponse pour une question. على سؤال أن نقول الله أعلم ما تجيب على كل سؤال. Tu ne dois pas donner une réponse à toute question pour couvrir ton ignorance par une réponse qui est fausse. Et Dieu sait que tu es en train de mentir. Il vaut mieux dire Allahu a'lam, je ne sais pas. Allahu a'lam, man qala Allahu a'lam, 'allamahu Allahu 'ilma ma la ya'lam ou 'ilma ma lam ya'lam. Celui qui dit je ne sais pas, ou Dieu seul sait, Dieu lui enseigne ce qu'il ignorait. كما فعلت الملائكة, comme les anges l'ont fait. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Il dit Adam, informe-les de leurs noms, c'est-à-dire des noms des choses. فلما أنبأهم بأسمائهم, lorsqu'il les informa de leurs noms, قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أنا الله إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما أظهرتم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم الظاهر والباطن. Lorsqu'il les informa de leur nom, il dit, ça veut dire Allah, ne vous ai-je point dit que je savais l'inconnu des cieux et de la terre, et je savais ce que vous montrez et ce que vous teniez caché. فالله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. Dieu est au courant du mouvement de la fourmi noire sur la pierre dure, في الليلة الظلماء, dans la nuit obscure. Adam alayhi salam, Adam prière et ça sur lui, al makhluq mimma wa min turab, Adam qui a été créé à partir de l'eau et de la terre, de l'argile, tafawwaqa ala al malaika al makhluqa min an-nur, a pris le dessus, a pris la suprématie par rapport aux anges créés à partir de la lumière, bi fadl al ilm الذي علمه الله له, grâce à la science que Dieu lui a enseigné. Grâce à la science, l'homme créé à partir de la terre et de l'eau a pris le dessus par rapport aux anges créés à partir de la lumière. وهنا يظهر فضل العلم, et là apparaît le mérite de la science, le mérite du savoir. العلم على العبادة, là apparaît le mérite de la science par rapport à l'adoration. إذا كان آدم عليه السلام تفوق بالعلم على الملائكة, les anges qui ne font qu'adorer Dieu, Adam sans adoration apparente a eu la supériorité ou le succès grâce à la science. Ça veut dire que la science dépasse l'adoration. Parce que sans science, l'adoration sera fausse, sera erronée. Al-Malaika ta'bud. Adam ما ذكر الله لنا عبادته ولكن ذكر لنا علمه أنه علمه بعلمه تفوق على الملائكة رغم عبادة الملائكة فالعلم أفضل من العبادة وهذا لا يعني أن لا نعبد لا نعبد بعلم ceci ne signifie pas qu'on ne doit pas adorer mais signifie qu'on doit adorer avec science c'est meilleur c'est mieux. إذا كان آدم عليه السلام قد تفوق بالعلم على الملائكة si Adam, prière et sage lui, a eu le succès ou a pris le dessus grâce à la science par rapport aux anges فهناك من بني آدم من تفوق بالعلم على الجن il y a parmi les enfants d'Adam de la descendance d'Adam il y a eu celui qui a grâce à la science a eu le comment dire a pris le dessus par rapport au djinn. Dalik amam Nabi Allah Suleiman. Ceci a eu lieu devant le prophète de Dieu qui s'appelait Salomon. Amam Suleiman alayhi salam prière et sagesse. Lamma arada arsha Balqis, malikat Saba bil Yaman. Lorsqu'il a voulu le trône de Balqis, la reine de Saba ou Yémen. Wa huwa bisham et il était dans la Sichem, le verset dit qala ifritum min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Un djinn redoutable dit je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, c'est-à-dire avant midi qabla muntasaf an-nahar kanu fi as-sabah qabla al-thaniya yani 10 zawalan atika bil-arsh. Je te l'apporte avant midi. Ils étaient au matin, ça veut peut-être 9h, 8h, 10h, avant midi, je te l'apporte. Wa inni 'alayhi laqawiyyun amin, et je suis fort et digne de confiance. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab, rajul mush jinni, rajul. Walakin 'indahu 'ilm. Tafawwaq 'ala al-jinn al-qawi. Quelqu'un qui avait une science du livre, quelqu'un, c'est un homme, qui avait une science du livre, dis-moi, je te l'apporte avant que ton regard ne revienne à toi. Ça veut dire, en un clin d'œil, la vitesse d'un clin d'œil, je te l'apporte. Un homme, grâce à la science, qui avait une science, dit Dieu, qui, grâce à sa science, a eu le dessus par rapport à un djinn très fort et redoutable. ورغم هادشي كله تلقى واحد الناس باقا خايفين من الجن خصهم يمشوا هاد السحار وصافي وكل حاجه الجن جا الجن دار الجن الجن الجن الجن يخاف منك انت بالعلم تربح الجن هذا العلم هذا اللي عندنا كله راه ربحنا الجن والناس باقا خايفه من الجن كل شيء الجن دونك مالغري تو سا يا دي جون aujourd'hui qui ont peur tellement peur des djinns et du monde des djinns et des diables et à chaque chose il l'interprète ah, parce que le diable est passé par là le djinn est passé par là ah, il doit voir un sorcier, il doit voir un voyant il doit combattre djinn mais djinn a peur de toi grâce à ta science que Dieu t'a donnée. On est dans un monde où la science a fait beaucoup de progrès. وكان هذا آصف وزير سليمان et c'était آصف le ministre de Salomon وهو رجل مؤمن qui était un homme croyant آتاه الله علما et Dieu lui a enseigné une science هذه السرعة لم يصل إليها العلم الحديث cette vitesse d'apporter les choses de milliers de kilomètres en une seconde la science actuelle ne l'a pas atteint. La science actuelle n'a pas atteint ce niveau d'apporter des choses de milliers de kilomètres en une seconde. فَالَّذِي عَلَّمَ الْإِنسَانُ هُوَ اللَّهُ Celui qui a enseigné à l'homme, soit Adam, soit ses enfants, et Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi 'allama bil qalam, qui a enseigné par la plume, 'allama l'insana ma lam ya'lam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, ça veut dire l'homme ce que l'homme ne savait pas. Wa lidhalik awwal aya nazalat 'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiya ayatul 'ilm, raison pour laquelle le premier verset coranique qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le verset de la science, de l'apprentissage, d'apprendre le savoir et la science, d'apprendre la lecture et l'écriture. Iqra li. Wa ma al asaf, malheureusement, fal insanu fi hadha al asr, l'homme à notre époque ittakhadha al ilm ilahan, l'homme à notre époque a pris ou a fait de la science un dieu, une divinité. Wa kafara billah, et il a renié l'existence de Dieu. Wal ilm wasila takhdimu al insan, la science est un moyen qui est au service de l'homme. La science n'est pas une divinité, la science n'est pas un dieu, est un moyen que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour qu'elle soit à son service. وَلَيْسَ إِلَهًا يَعْبُدُهُ الْإِنسَانِ, et la science, comme je l'ai dit, n'est pas une divinité à adorer à côté de Dieu. يَقُولُ اللَّهُ, Dieu dit, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, sauf Iblis qui refusa, s'enorgueillit et fit partie des négateurs. Iblis, c'est le grand démon de tous les temps. وسجود الملائكة لآدم بأمر من الله, la prosternation des anges à l'égard d'Adam était selon un ordre de Dieu. هو سجود تحية وليس سجود عبادة, c'était une prosternation de salutation et non pas une prosternation d'adoration. On peut se prosterner. À l'époque ou à certaines époques, il y avait des gens qui, pour saluer quelqu'un, se prosternaient. Mais l'intention, ce n'est pas de l'adorer comme on adore Dieu, mais c'était seulement pour le saluer. فَالْعِبَادَ لَا تَكُونَ كَمَا فَعَلَ إِخْوَةُ يُوسُفْ مَعَ يُوسُفْ, comme les frères de Joseph l'ont fait avec Joseph, prière et sa chouille, lorsqu'ils se sont prosternés devant lui. Ce n'était pas une prosternation d'adoration, mais de salutation. L'adoration ne peut être faite qu'à l'égard de Dieu. قال الله, Dieu dit, قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. Allah yuhawir Iblis. Là, écoutez le dialogue entre Allah et Iblis. Il dit, ça veut dire Dieu, il parle avec qui? Il parle avec Iblis. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai recommandé? Qala ana khayrun minhu. Il répondit, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Et c'est-à-dire pour lui, le feu est meilleur que l'argile. Wa li hadha kul ma ra'a Iblis ibn Adam sajidan fi as-salah baka. Raison pour laquelle à chaque fois que Iblis repère le fils d'Adam en train de se prosterner dans une prière, il pleure. وَقَالَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ, il dit, on m'a demandé, j'ai reçu l'ordre de me prosterner, فَعَصَيْتُ, et j'ai désobéi, وَدَخَلْتُ النَّارِ, et je suis entré en enfer. وَأُمِرَ بْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ, et le fils de mon ennemi Adam, il a reçu l'ordre de se prosterner, فَأَطَعَ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ, et il a obéi et il est entré par la suite au paradis. وَإِذَا كَانَ إِبْلِيسُ صَارَ كَافِرًا, dans le cas où Iblis est devenu un mécréant à cause d'une seule prosternation qu'il a ratée, une seule prosternation, il est devenu mécréant. Lam yasjud ali Adam, une prosternation pas à Dieu, seulement à Adam. Yani sujud mush lillah ta'ala wa tabarak faqat li Adam wa rafad فصار من الكافرين فما بالك بالمسلمين الذين تركوا السجود لله رب العالمين. Que dire des musulmans qui refusent de se prosterner à Dieu Seigneur des univers. خمس مرات في اليوم, 5 fois par jour. السجود له قيمته الكبيرة في الإسلام. La prosternation a sa grande part ou son importance en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, أقرب ما يكون العبد إلى أقرب ما يكون العبد إلى الله في السجود أو وهو ساجد. La position dans laquelle l'homme est plus proche de Dieu, c'est là où il est prosterné ou bien dans la prosternation. إذا أردت القيام بحوار مع الله, si tu veux toi à ton tour frère ou sœur nouer un dialogue avec Dieu, فعليك بالسجود والقرآن, effectue la prosternation et lis le Coran. بالسجود تتكلم مع الله, dans la prosternation tu parles avec Allah. وبالقرآن يتكلم الله معك. Et lorsque tu lis le Coran, c'est Dieu qui te parle. Tu te prosternes, tu parles avec lui. Tu lis le Coran, c'est lui qui te parle. Ainsi tu as fait un dialogue avec ton Seigneur. هكذا تقوم أنت كذلك بحوار مع الله. بينما تاجر يعود من بغداد إلى بلاده مكة. تاجر يعني كان صحابي. يقوم بالتجارة, ذهب إلى بغداد وراجع لمكة. Il y avait un compagnon qui était commerçant et il faisait le retour, il effectuait le retour d'un voyage commercial de Bagdad vers la Mecque. وإذا بقاطع طريق, il y avait un pirate de route qui lui a barré le chemin. يهدده بالقتل, il le menaçait à mort. فقال له التاجر خذ مالي, le compagnon, le commerçant lui dit prends ma fortune. واتركني أعود لأولادي, et laisse-moi revenir voir mes enfants. ولكن القاطع رفض, mais le pirate a refusé. فطلب منه التاجر أن يصلي ركعتين قبل الموت. Le commerçant a demandé à ce pirate de lui laisser la chance de faire deux unités de prière avant la mort. ووافق قاطع الطريق, le pirate a donné son accord. فبدأ التاجر في الصلاة, le commerçant est entré dans la prière. فلما سجد, lorsqu'il s'est prosterné, تكلم مع ربه, il a parlé avec son Seigneur. وربه يسمعه, son Seigneur était en train de l'écouter. وقاطع الطريق لا يسمعه, et le pirate ne l'écoutait pas, n'avait pas la faculté de savoir qu'est-ce qu'il disait dans sa prosternation. Allahu يسمع والعبد بجانبك لا يسمع. Lorsque tu es dans la prosternation, Dieu t'entend et la personne qui est à côté de toi ne peut pas t'entendre. Ya Wadud, ô aimable, Ya Dal Arshi Al-Majid, ô possesseur du trône glorieux, Ya Dal Batshi Shadid, ô tout puissant, Ya Fa'alun Lima Yurid, ô faiseur de ce qu'il veut, de tout ce qu'il veut, Ya Mourith, ô celui qui apporte le secours, Arithni, assiste-moi, Ya Mourith, Arithni, ô celui qui apporte le secours, assiste-moi, aide-moi, viens à mon secours, Ya Mourith ou Arithni, trois fois. Wassalam. Et après, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونظر عن يمينه, il a vu à sa droite, فوجد فارسا, il a vu un chevalier, بيده سيف, qui portait une épée dans sa main, وقاطع الطريق يتوسل إليه أن يتركه, et le pirate est en train de le supplier de le laisser en vie. قبل لحظات التاجر يتوسل لقاطع الطريق أن يتركه بالحياة. Avant quelques instants, le musulman, le commerçant, le compagnon était en train de supplier le pirate de le laisser en vie. Subhana mubaddil al-ahwal, gloire et pureté à celui qui en une seconde change la situation, d'une situation à une autre. Maintenant c'est le pirate qui est en train de supplier le chevalier de le laisser en vie. ولكن الفارس قطع رأسه, mais le chevalier lui a coupé la tête. فقال له التاجر, le commerçant lui dit, man anta yarhamuk Allah, qui es-tu que Dieu soit miséricordieux à ton égard? Faqala lahu ana malakun min malaikati sama, je suis un ange parmi les anges des cieux. Lamma istaghatta billah, lorsque tu as demandé le secours à Dieu, tadarra'na ila Allah an ya'dana lana, nous avons imploré Dieu, nous avons demandé à Dieu de nous donner l'accord de descendre. فَأَذِنَ لِي, et il m'a donné l'autorisation. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ, et que les salutations et la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient pour toi ou sur toi, au serviteur de Dieu. فَالسُّجُودُ لَهُ قِيمَتُهُ فِي الْإِسْلَامِ, la prosternation a son mérite ou a son importance en islam. أَيُّهَا الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ, mes frères et mes sœurs, إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ خَلَقَ آدَمَ, si Dieu a créé Adam, وَجَعَلَهُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ, et l'a placé comme représentant, successeur sur terre, ou gérant au nom de Dieu, gérant de la terre au nom de Dieu, وَفَضَّلَهُ بِالْعِلْمِ عَلَى الْمَلَائِكَ, et l'a préféré grâce à la science par rapport aux anges, وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَسْجُدُ لَهُ, et il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. فَمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ بَنِي آدَمَ, qu'est-ce qui a été demandé aux enfants d'Adam en contrepartie? Al-jawab fi qawlihi ta'ala, la réponse se trouve dans ce verset coranique, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Wa atasa'al, je m'interroge, hal il matloub minna al-ibada lillah tul an-nahar wal layl, je m'interroge, est-ce que on doit adorer Dieu comme les anges jour et nuit, 24 sur 24, 7 sur 7, ça veut dire jeûne, prière, Coran, sans arrêt comme les anges? La réponse non. L'islam est la religion de clémence, de miséricorde, qui a été apporté par le prophète de la miséricorde sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui. Le musulman avec une intention correcte, valable, bonne, vertueuse, une intention vertueuse, saliha, فَكُلُّ أَعْمَالِهِ, toutes ces œuvres avec l'intention deviennent une adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. لَيْسَ فَقَدْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ, et non pas seulement sa prière ou son jeûne, zakatuhu, ou sa zakat, hajjuhu, ou son pèlerinage, قُرْآنُهُ, sa récitation coranique, وَلَكِنْ أَكْلُهُ يُصْبِحُ عِبَادَةً, mais son repas, le fait de prendre le repas devient une adoration. نَوْمُهُ عِبَادَةً, son sommeil devient une adoration. سُكُوتُهُ عِبَادَةً, son silence devient une adoration. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, le prophète dit, prière et sa souris, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça veut dire le silence devient une adoration. فِكْرُهُ فِي الْكَوْنِ عِبَادَ, sa méditation sur l'univers devient une adoration. اِبْتِسَامَتُهُ الْخَالِصَ لِأَخِيهِ عِبَادَ, son sourire sincère vis-à-vis de son frère devient une adoration. زِيَارَتُهُ لِمَرِيضِ عِبَادَ, sa visite pour un malade est une adoration. إِعَانَتُهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِبَادَ, son aide pour son frère musulman est une adoration. مُعَامَلَتُهُ الطَّيِّبَ لِزَوْجَتِهِ عِبَادَ, son bon comportement avec son épouse est une adoration. عَلَاقَتُهُ حَتَّى مَعَ زَوْجَتِهِ عِبَادَ, sa relation intime avec sa femme est une adoration. تَرْبِيَتُهُ لِأَوْلَادِهِ عِبَادَ, son éducation de ses enfants est une adoration. سَفَرُهُ عبادة, son voyage devient une adoration. Son loisir devient une adoration. إِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ عِبَادَ, lorsqu'il enlève le mal qui peut nuire aux passants du chemin est une adoration. إِحْتِرَامُهُ لِجَارِهِ عِبَادَ, son respect pour son voisin est une adoration. عَدْلُهُ عِبَادَ, son équité est une adoration. حُسْنُ خُلُقِهِ عِبَادَ, sa bonne conduite est une adoration. إِصْلَاحُهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِبَادَ, lorsqu'il réconcilie entre deux est une adoration. عَمَلُهُ عبادة, يسترزق بعمله, عمله يصير عبادة, son travail, il vit grâce à son travail devient une adoration. دراسته عبادة, son étude scolaire devient une adoration. Ta'atuhu li walidayhi ibada, son obéissance à ses parents est une adoration. Bi'ikhtisar, brièvement, fal muslim hayatuhu kulluha tusbih ibada. La vie dans sa totalité de musulman devient une adoration. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa anta tusbih fi ibada tul hayatik bi hadhihi al umur bin niyya salihah annak ta'bud Allah annak tataqarrab Allah. Et donc sa vie dans sa totalité grâce à l'intention sincère et véridique ou vertueuse, sa vie totale devient une adoration. Ainsi il répond au verset: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Layluha wa naharuha, sa vie jour et nuit. Ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, mes frères et mes sœurs en islam, min bayni a'zam al-ibadat, ou qabla an aqul hadha al-kalam, يعني في شهر غشت القادم، يعني 11 غشت والله أعلم، le 11 août, mes frères et mes sœurs, le 11 août prochain, ça يبدأ رمضان. Il y aura le début du mois sacré de Ramadan. والناس سيسافرون، يعني ربما لن تكون لنا فرصة حتى نتكلم، فكانت هذه فرصة. Les gens vont voyager, on se verra peut-être plus avant le mois de Ramadan. Donc là c'était une occasion à ne pas rater pour rappeler brièvement quelque chose du mois de Ramadan. 11 غشت القادم يبدأ رمضان إن شاء الله. Le 11 août prochain débutera, si Dieu le veut, le mois de Ramadan pour cette année. Min bayni a'zam al-ibadat siyam Ramadan. Nous on parle dans ce cours des adorations. Parmi les adorations les plus importantes, les plus nobles en islam, se trouve le jeûne du mois de Ramadan. In kanat at-ta'at tarfa' al-insan ila saff al-mala'ika aw akthar, si les adorations élèvent l'homme vers le rang des anges ou même plus. والمعاصي تنزل بالإنسان إلى صف الحيوان أو أقل. Et si la désobéissance ou le péché fait descendre l'homme au niveau des animaux ou même pire. فإن المسلم الصائم في أيام رمضان, le musulman jeûneur pendant les jours du mois de Ramadan, يكون ملكا يمشي فوق الأرض, devient un ange qui marche sur terre. La ya'kul, il ne mange pas. La yashrab, il ne boit pas. Yatahakkam fi kulli shahawati, il maîtrise tous ses désirs. Il contrôle ses désirs. Fatafhamu al-mala'ikatu qawl Allah ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya rab, lish takhluq insan ikun khalifa lak fi al-ard, inni a'lamu ma la ta'lamun. Là les anges comprennent la parole sacrée de Dieu: je sais ce que vous ne savez point. Lorsque les anges ont dit: ô Seigneur, pourquoi tu as créé un homme qui va te désobéir sur la terre? Et Dieu leur dit: je sais ce que vous ne savez point. Lorsque les anges regardent dans le mois de Ramadan que l'homme musulman se transforme en un ange qui marche sur terre, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne fait pas la relation intime, qui contrôle ses désirs, etc. Là, les anges comprennent. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ils dirent: y places-tu celui qui y mettra le désordre et répandra le sang? Fa yani lamma qalat hadha al-kalam qala laha Allah inni a'lamu ma la ta'lamun, lorsque les anges ont dit cette question, cette interrogation, Dieu leur dit: je sais ce que vous ne savez point. Fa Ramadan yubayyin بأن ليس كل الناس مفسدون في الأرض. Ramadan, le mois de Ramadan, montre que tous les gens ne sont pas pareils, que tous les gens ne font pas la corruption sur terre. ولكن هناك مسلمون كالملائكة, رغم ضعفهم رغم شهواتهم mais Ramadan montre qu'il y a des musulmans qui ressemblent aux anges malgré leur faiblesse malgré leur désir muslimun yuhibbuhum Allah des musulmans aimés par Allah wa yuhibbu siyamahum et Dieu aime leur jeûne ila darajat an qala sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point que le prophète prière et lui a dit wa la khalufu fam as-sa'im hadhihi ar-ra'iha al-kariha al-mawjuda fi fam as-sa'im khususan 'inda al-masa' hadhihi ar-ra'iha nahnu la natahammaluha هذه الرائحة وسببها الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف هذه الرائحة الكريهة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لماذا؟ لأن الله يحب الصيام ولأن هذا المسلم بصيامه صارت له هذه الرائحة في فمه فهي عند الله أطيب وأعظم من ريح المسك بالنسبة لنا رواه الإمام مسلم jusqu'au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le relent de la bouche ça veut dire la mauvaise odeur dégagée de la bouche du jeûneur surtout l'après-midi à cause de son jeûne le relent ou la mauvaise haleine du jeûneur est plus parfumée auprès de Dieu que l'odeur du musc rapporté par l'imam muslim والصيام عبادة سرية le jeûne est une adoration secrète, discrète, al-jaza'u 'alayha et la récompense pour le jeûne se trouve dans cette situation. Idha waqafa al-'abdu fi sahati al-hisab amam Allah, lorsque l'individu s'arrête devant Dieu dans la cour du jugement, le jour de la résurrection, sa'alullah, on demande à Dieu, ya rabbana لماذا لا نجد في الموقف فلانا وفلانا il y a des gens qui vont poser la question oh Seigneur pourquoi on ne retrouve plus dans cette cour telle personne et telle personne où sont telles aynahum فيقول لهم مولانا Dieu leur dit أدخلتهم الجنة سرا لأنهم عبدوني سرا je les fais entrer au paradis je les ai fait entrer au paradis secrètement parce qu'ils m'ont adoré d'une façon secrète ça veut dire le jeûne est une adoration secrète il n'y a que Dieu qui peut savoir est-ce que vraiment tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas parce que tu peux manger en cachette donc le jeûne est une adoration secrète il n'y a que Dieu qui connaît est-ce que tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas الصيام عبادة سرية الله وحده هو الذي يعرف هل أنت فعلا صائم أم تأكل في الخفاء فالصيام عبادة الخفاء أو السر أيها الإخوة أحب أن أقول بأن الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم تحية وتكريما je veux finir ce cours par cette remarque, c'est que les anges qui se sont prosternés devant notre Père pour l'anoblir et pour le saluer, wa iblis alladhi asa wa lam yasjud fa kana min al-kafirin, et iblis qui a refusé de se prosterner devant notre Père est devenu parmi les mécréants. في كل رمضان لهذين الصنفين من المخلوقات الملائكية والجنية pour ces deux catégories de créatures les anges et les djinns موقفين مختلفين deux situations différentes ou deux avis différents ou deux positions différentes الملائكة تنزل في رمضان لتصافح وتهنئ المسلمين أبناء آدم عليه السلام les anges à chaque ramadan descendent du ciel pour saluer pour bénir pour féliciter les musulmans les enfants d'Adam prière et sa كما حيت أباهم بالسجود exactement comme ils ont salué leur père Adam par la prosternation وأما الشياطين أبناء إبليس et les démons descendance d'Iblis فَيُصَفَّضُونَ فِي كُلِّ رَمَضَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ ils se font enchaîner à chaque ramadan par ordre de Dieu, kama turida abuhum min rahmatillahi wa jannatih, exactement comme leur père Iblis a été chassé de la miséricorde de Dieu et de son paradis. Haoula shayatin al-jin, je parle bien sûr des démons sataniques ou des satans parmi les djinns. Amma shayatin al-ins fala tusaffad. Tandis que les démons humains ne se font pas enchaîner dans le mois de Ramadan, donc il faut s'en méfier. Wa akhiran aqul, ya la fin je dis, akhi ukhti, هذا رمضان آت في فصل الصيف. Voici le mois de Ramadan qui vient cette fois-ci en été. فكن إن شئت ملكا من الملائكة المقربين. Soit si tu le veux, un ange parmi les anges rapprochés. أو شيطانا من الشياطين, ou un démon parmi les démons lapidés. Bien sûr, ça veut dire dans le mois de Ramadan par ton comportement. افعل ما شئت كما تدين تدان. Fais ce que tu veux, comme tu fais, tu subiras. إذن مرة أخرى أقول هذا آخر درس قبل صلاة الجمعة. Il s'agit là du dernier cours qui précède le vendredi. Les prochaines fois, on fera le vendredi son cours. وبارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu agrée l'œuvre de tout le monde. نسأل الله تعالى وتبارك أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا, إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احمي وأمن سفر كل مسافر في هذا الصيف. اللهم إخواننا وأخواتنا المسافرين والمسافرات إلى بلدانهم الأصلية, اللهم اجعل سفرهم عبادة. اللهم أمنهم في سفرهم. اللهم ردهم إلى هنا بعد السفر سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى هنا وأنت راض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.